Nana kati na bilanga nanga. Choisis bien mon amour, ou c'est lui ou c'est moi. Nana boya nana bitumba moi.